Le son est bon comme mon sexe à pile. Le sexe est bon, effet sédatif. Encore meilleur avec un gros slip. J'en fume la piste de danse. L'enflure qui stagne, obligé, je lui rentre dedans. Un reel se doit d'être compétent. Une pause de temps en temps, stabiliser nos plans. On est la vérité, on apparaît au bon moment. Hein. Trêve de plaisanterie, demande au marabout si la musique ne peut pas guérir. Du moins aider quelques minutes à ne plus souffrir. Mais tu ne peux pas éviter la mort, oui faut mourir. Bien entouré, le skills des homies aime à Tommy Hill. La basse s'applique tous les jours et vise dans le mille. Pow. Le présent nous rattrape à la recherche de la plus grosse frappe aérienne. Le monde en claque, pas de tabou. Hey yo buds, nous on dit tout. Fais-le ressentir la puissance du Chrome et tout. Pour ceux qui ont connu la douleur, pour tous ceux qui cherchent des dollars la pire, qui connaissent toutes les magouilles de la pire, c'est pour les femmes avec un grand cœur, les corps de rêve qui marchent sans peur. On donne ça pour toutes les jolies filles, attirées par les chaînes au nord qui brillent. Le monde ne s'arrête pas. Depuis des années que je ne fais que de taf et as. Ramène de la frappe si je vends de la drogue ou que je rappe. J'ai le bon produit, il me faut de la nouvelle sape. Une bague et une OD. Hey homie, ce frère on mise le tout. Je fais all in, quitte à vendre de l'héroïne. Pour que nos rêves s'accomplissent fils, faut qu'on évite les snitch, les kiss et ces sales bitches. Martyrise nos ennemis, pas d'espace pour les victimes. Quand je débarque avec ma dream team, Kingpin. Ballers and players. Ouais, tu connais le reste. Des fois la vie n'est pas si facile. Faut pas que les gosses imaginent qu'on roule sur l'or. Frérot ça pue le deal dans la ville. Père de Air Max, 18 carats en or qui brille. J'attire le regard des jolies filles comme un OG. Toujours prêt au cas où ça se gâte. Esquive gauche droite, on laisse dormir le gigi. On fait la fête quand un frère ressort de son prix cousin. On laisse parler les cons qui ne connaissent rien. PNC bébé, du sang, de la sueur et des larmes. Les puristes taf et se défoncent au hache. Y'en a qui gâchent leur vie petit sage qu'ici. Certains bandits te mettent des coups de crosse si tu joues le boss. Que du bon matos, indoor de qualité. Maintenant que je brille, les ennemis veulent mon amitié. Ma rime claque, même les putains de meufs me flattent. Mais quand j'étais dans la merde seul, y'avait personne. Et maintenant je compte la maille, je gère des affaires. J'aide les frères qui m'ont aidé dans la galère. Je pense à mon père qui s'est cassé le dos sur le chantier. Comment lui dire, papa je veux seulement chanter. Et ma mère qui prie tous les jours se fait des soucis. C'est normal, je suis son petit mais j'ai grandi. Aujourd'hui j'ai un tas de plans pour les branleurs et les salopes, je n'ai pas le temps. J'ai tout mis pour la famille, les vrais amis. Ma musique c'est ma vie, c'est pour qui? C'est pour les débrouillards et joueurs. Pour ceux qui ont connu la douleur. Pour tous ceux qui cherchent des dollars pires, qui connaissent toutes les magouilles de la pire. C'est pour les femmes avec un grand cœur, les corps de rêve qui marchent sans peur. On donne ça pour toutes les jolies filles, attirées par les chaînes en or qui brillent. Cette rage contre le système anime. Petit frère, pars pas vers l'école. Car le placard, ça craint. Ici, ça craint. Les vrais bonhommes sont dehors. Tu resterais toujours dans les envies de faire. Fais gaffe à toi, petit frère. Allez.